إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on commence donc cette deuxième journée, ou bien plutôt, on peut dire presque c'est la première journée de ce séminaire ici à Québec, alhamdoulilah. Et les frères m'ont demandé de parler du sujet du tawhid. Et donc, j'ai décidé de faire donc un livre au sujet du tawhid. Et le livre, c'est « Mukhtasar au sabil al-huda wal-rashad »« Fi bayani haqiqati tawhid » في بيان حقيقة توحيد رب العباد. C'est-à-dire c'est un résumé d'un livre qui s'appelle Sabil al-Huda wal-Rashad au sujet du tawhid du Seigneur des serviteurs. Donc on va profiter inshallah de qu'est-ce que le cheikh il a expliqué dans ce livre. Le livre est divisé en plusieurs chapitres et il y a 7 chapitres en tout. Et bien entendu, on ne pourra pas lire le livre au complet parce que c'est un livre quand même assez même si c'est un résumé, c'est quand même 200 pages à peu près. Donc on ne pourra pas le lire ensemble au complet, mais on va lire quand même certains points dans certains des chapitres. Donc le chapitre 1 est divisé en 6 parties. C'est sur la réalité du tawhid et de sa signification pour Ahl-Sunnati wal-Jama'a, pour les gens de la Sunna. Le deuxième chapitre, c'est au sujet des preuves du tawhid et de ses mérites. Le troisième chapitre, c'est au sujet des catégories de tawhid. Qu'est-ce qui a été dit par rapport à ça? C'est divisé en 7 parties. Le chapitre numéro 4, c'est au sujet de tawhid al-rububiyyah. Le chapitre 5, au sujet de tawhid al-uluhiyyah. Et le chapitre 6, au sujet de al-asma wa-sifat. Et le dernier chapitre au sujet de qu'est-ce qui s'oppose au tawhid et qu'est-ce qui vient l'annuler complètement. Donc les choses qui annulent le tawhid, et il parle du shirk et des différentes choses qui sont en contradiction avec le tawhid dans le dernier chapitre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire certains points dans chacun de ces chapitres-là pour avoir une petite idée, inshallah, de la signification et de ces différents points, inshallah. Premièrement, le cheikh, il parle dans le premier point, dans le chapitre 1, « Haqiqatu al-tawhid wa ma'nahu » La réalité du tawhid ainsi que sa signification. « Haqiqatu al-tawhid wa ma'nahu luratan wa istilahan » Dans la langue arabe, qu'est-ce que signifie le terme tawhid? Il dit « Al-tawhid ou luratan huwa taf'ilu wahada wa yuqalu wahada wa ahadahu kama yuqalu thannahu ou thallathahu » وحده توحيدا أي جعله واحدا. Donc dans la langue arabe, la forme du terme tawhid, c'est la forme taf'il dans les différentes awzan, taf'il du verbe wahada. C'est un verbe transitif, wahada, et ça signifie de rendre unique, de rendre un, d'unifier. Comme on peut dire aussi thannahu ou thallathahu. Tu peux dire de dualiser ou de rendre trois aussi. Thallatha. Mais wahada, ça veut dire unifier. Tawhidan. Ay ja'alahu wahidan. C'est une définition tirée de Al-Qamus Al-Muhit. et de Mukhtar al-Sihah, c'est-à-dire des dictionnaires de la langue arabe. Naam. En ce qui concerne la définition du tawhid, selon la définition terminologique islamique, selon l'explication religieuse, les ulama disent التوحيد في الاصطلاح يعني يقول وأما حقيقة معنى التوحيد عند أهل السنة فيما اصطلحوا على تسميته توحيدا كما استنبط أو استنبط من الكتاب والسنة فهو الإقرار بالقلب واللسان بأن الله رب كل شيء ومليكه وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهو على كل شيء قدير وأنه الخالق لكل شيء وأنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه فلا رب غيره ولا إله سواه ولا شريك ولا ند له ثم إفراده بالعبادة وذلك بصرف جميع أنواع العبادة له وإخلاص الدين له فهذا هو التوحيد الذي جاءت به الرسل بكل جوانبه ظاهرا وباطنا علما وعملا. Donc le cheikh explique en fait le tawhid, et je vais vous traduire qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il a dit, puis vous allez reconnaître peut-être certaines choses et on va voir par la suite qu'est-ce que vous avez reconnu, est-ce que c'est correct, ou si vous avez déjà une petite étude, une petite base dans le tawhid déjà, vous allez reconnaître certains points. Il dit que la réalité de la signification du tawhid chez les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'ah, alaykoum salam, c'est yani chez les gens d'Ahl Sunnah, c'est l'appellation du tawhid sur les points sur lesquels hein, ils se sont entendu par rapport à la définition du tawhid tel que ça a été extrait dans des textes ou des preuves du Coran et de la Sunna. Et donc ils définissent le tawhid en disant que c'est de reconnaître avec le cœur et la langue que Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur de toutes choses, le Maître de toutes choses, et que ce qu'il veut est, ce qu'il veut est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Et que c'est lui qui a le pouvoir sur toutes choses. C'est lui le créateur de toutes choses. Et que c'est à lui qu'appartiennent les plus beaux noms et les attributs les plus élevés. Et que, wa alaykoum salam wa rahmatullah, et que c'est lui, c'est lui qui est la divinité suprême, la divinité de vérité, celui qui mérite d'être adoré, et que rien ne mérite d'être adoré autre que lui. Il n'y a pas de seigneur en dehors de lui, il n'y a pas de divinité ou rien qui mérite d'être adoré en dehors de lui. Il n'a pas de partenaire, il n'a pas d'égal, il n'a pas de rivaux. Et également, une fois qu'on a compris ça, il faut unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. C'est-à-dire de rendre notre adoration pour Allah exclusive et qu'elle soit uniquement vouée à lui. Dans toutes les différentes formes d'adoration qui existent, et qu'il faut purifier notre religion pour lui. Ça, c'est le tawhid tel que les messagers sont venus l'enseigner, avec toutes ces différentes parties apparentes et cachées, et sur le plan de la connaissance et sur le plan de l'application. Donc si vous avez bien écouté la traduction de cette explication du qu'est-ce que c'est le tawhid, vous allez reconnaître les différentes catégories, les trois catégories de tawhid, ar-rububiyya wal-uluhiyya wal-asma wal-sifat. Donc le cheikh il dit وهذا معناه الاصطلاح اما المناسبه بينه وبين معنى التوحيد في اللغه فهي ان المعنى الاصطلاحي اخص من اللغوي وهذا شان المعاني الشرعيه مع المعاني اللغويه كما في الصلاه والصوم والحج. Donc le cheikh il explique que ça c'est la définition du tawhid dans la terminologie que les ulama ont employée. Et on voit qu'il y a quand même un lien entre la signification linguistique et la signification religieuse. Toutefois, on voit que la signification religieuse, elle est plus spécifique que la signification linguistique. Et ça, c'est le cas pour la plupart des significations, des termes de la charia. Le terme linguistique est toujours plus large que le terme religieux qui est plus spécifique. Le deuxième point, il dit « حَقِقَةُ التَّوْحِيدِ عِنْدَ الْمُخَالِفِينَ لِأَهْلِ السُنَّةِ » Des fois, on emploie le terme « tawhid » et vous allez remarquer parfois certains groupes d'égarement ou certaines sectes qui utilisent le terme yani également le terme « tawhid ». Et donc, quand vous voyez par exemple certains groupes ou certains individus qui utilisent le terme « tawhid », peut-être que vous allez vous imaginer qu'il s'agit de la même chose que ce que les gens de la sunna parlent. Lorsqu'ils parlent du tawhid, vous allez penser que eux, ce qu'ils désignent comme étant le tawhid, c'est la même chose que nous. Eh bien, en réalité, ce n'est pas le cas, puisque certaines sectes emploient le terme tawhid pour désigner autre chose que ce que désigne Ahlus Sunnah wal Jama'a comme étant le tawhid. Et donc, c'est ça ce qu'il explique ici. Le cheikh, il dit « Wa haqiqatu tawhid 'inda al-mukhalifin li ahli sunnah » La réalité du tawhid chez les gens qui opposent les gens d'Ahlus Sunnah wal Jama'a. Il dit وَلَقَدْ وُجِدَتْ طَوَائِفُ خَالَفَتْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي تَفْسِيرِ حَقِيقَةِ مَعْنَى التَّوْحِيدِ كَمَا خَالَفُوهُمْ فِي أَقْسَامِهِ كَمَا سَيَأْتِي وَذَلِكَ نَتِيجَةٌ لِاعْتِرَادِهِمْ عَنْ هَدْيِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاعْتِمَادُهُمْ عَلَى عُقُولِهِمْ فَقَطْ وَاقْتِبَاسُهُمْ مِنَ الْمَنْطِقِ الْيُونَانِي وَغَيْرِهِ أَوْ مِنَ الْمُكَاشَفَاتِ وَالْإِلْهَامِ بِزَعْمِهِمْ وهكذا أخطأوا في تفسير التوحيد كما سنرى وقد تقدم تفسير التوحيد لغة وأما اصطلاحا عند أهل الكلام فهو كما يلي إفراد القديم من المحدث وقيل إثبات ذات غير مشبهة بالذوات ولا معطلة عن الصفات وقيل إفراد القديم عن الحديث عن الحدث وقيل نفي التقسيم لذاته ونفي التشبيه عن حقه وصفاته ونفي الشريك معه في أفعاله ومصنوعاته وقيل صلبت عنه الكيفية والكمية فهو واحد في ذاته لا انقسام له وفي صفاته لا شبيه له وفي ألوهيته وملكه وتدبيره لا شريك له ولا رب سواه ولا خالق غيره. On va traduire ça, puis on continue après pour lire les autres points. Donc il dit qu'il y a d'autres groupes qui ont contredit Ahlus Sunnati wal Jama'a dans l'interprétation de la réalité de la signification du Tawhid. De la même manière qu'ils ont divergé également dans la façon dont on divise le Tawhid. Et on va l'expliquer plus tard. Et le résultat de ça, la raison de ça, c'est parce qu'ils se sont détournés de la guidance du livre d'Allah et de la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se sont basés uniquement sur leur logique, sur leur raison. Et ils se sont également inspirés de la logique grecque. Hein, la logique grecque et la philosophie et autres. Et certains également se sont basés sur ce qu'ils considèrent comme étant des dévoilements. De l'illumination ou bien des rêves ou des choses de ce genre. Donc ils se sont trompés dans l'interprétation et dans l'explication de ce que signifie le tawhid, comme on va le voir plus tard inshallah. Et on a déjà expliqué linguistiquement ce que signifie le tawhid. Et pour les gens de kalam, c'est-à-dire les gens qui se basent sur la philosophie et qui ont dévié dans la signification du tawhid, ils définissent le tawhid de différentes façons. Certains d'entre eux, ils disent que c'est d'unifier l'ancien par rapport à qu'est-ce qui est nouveau. Ou bien d'unifier l'ancien par rapport à qu'est-ce qui bouge. Hein? Qu'est-ce qui est ancien par rapport à qu'est-ce qui est accidentel? Qu'est-ce qui est accidentel ou qu'est-ce qui est nouveau? وَقِيلَ نَفْيُ التَّقْسِيمِ لِذَاتِهِ Certains ont dit que c'est de nier la subdivision, de dire que Allah, de dire que Dieu peut être divisé ou subdivisé, ou de nier la ressemblance à son sujet par rapport aux attributs, hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala, nier la ressemblance, nier aussi qu'il est un partenaire dans ses actions ou dans les choses qu'il fait. D'autres ont défini comme étant le fait de nier le commun et la quantité, parce qu'il est unique et il ne se divise pas, ni dans ses attributs, et il n'a pas de ressemblant ou de choses qui lui ressemblent. Wa uluhiyatihi, et dans le fait qu'il est le seul digne d'être adoré, et dans son royaume, et dans le fait que c'est lui seul qui contrôle tout, qu'est-ce qui se passe dans l'univers, il n'a pas de partenaire, et il n'y a pas de seigneur avec lui, ni de créateur avec lui, c'est-à-dire il est unique dans toutes ces choses-là. Et Al-Jurjani, il dit, وقال Al-Jurjani, واصطلاح أهل الحقيقة تجريد الذات الإلهية عن كل ما يتصور في الأفهام ويتخير في الأوهام والأذهان والتوحيد ثلاثة أشياء معرفة الله بالربوبية والإفراد بالوحدانية ونفي الأنداد عنه جملة. Donc ça c'est une autre définition, mais on va pas traduire chaque définition qui a été donnée par les gens de Kalam, parce que le but, c'est juste de donner une idée, hein, de faire comprendre comment eux, ils ont divisé le tawhid. Et vous allez comprendre la différence entre leur définition du tawhid et la définition de Ahlus Sunnah wal Jama'a dans qu'est-ce que le cheikh il dit ensuite. Il dit فَالْحَاصِلُ أَنَّهُمْ لَا يُعْرِضُونَ لِتَوْحِيدِ الْأُلُوهِيَةِ وَيُفَسِّرُونَهُ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَةِ فَظَنُّوا أَنَّهُ هُوَ الْمَطْلُوبُ مِنَ الْعِبَادَةِ وَأَنَّ مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لا خالق إلا الله ولا قادر إلا الله ولا قادر على الاختراع إلا الله فأفنوا أعمارهم بما لم ينازع فيه المشركون ولكن لم ينفعهم ذلك ولم يدخلهم في الإسلام ومعلوم أن المقصد الأعظم الذي أرسل لأجله الرسل وأنزلت الكتب وخلق له الجن والإنس هو عبادة الله وحده لا شريك له. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. Donc le cheikh il dit que en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la définition des gens de Kalam au sujet du tawhid, c'est que ils interprètent, ils se détournent complètement de tawhid al-uluhiyya, le tawhid de l'unicité dans l'adoration d'Allah. Ils se détournent de ça complètement et ils interprètent le tawhid comme étant le tawhid dans la rububiyya, dans la seigneurie et dans la souveraineté. Et donc eux, ils s'imaginent, c'est-à-dire les philosophes et les gens de Kalam, et ça inclut qui? Ça inclut les Jahmiyyah, les Mu'tazila, les Asha'ira et les Maturidiyya. Ils pensent que le seul but et l'objectif de l'adoration, l'objectif du Tawhid, c'est uniquement de dire que Allah est le seul maître et le seul créateur, hein? Que c'est lui seul qui a la capacité de créer et qui a le pouvoir de créer des nouvelles choses. Donc pour les gens de Kalam, le tawhid c'est quoi? C'est d'affirmer que Dieu est le seul créateur et le seul qui a le pouvoir de créer. Et d'affirmer ça, comme le cheikh il dit, c'est, ça ne leur sert à rien. Le cheikh explique que ils ont passé leur vie, hein, à essayer d'affirmer et d'établir ce principe, alors que c'est quelque chose que les mouchriquins eux-mêmes n'ont jamais opposé. Les gens qui adoraient les idoles, même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont jamais débattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du fait que Allah est le créateur, et que c'est lui le seul créateur de l'univers, et que c'est lui le seul qui a la toute-puissance et le pouvoir sur toute chose. Si tu regardes par exemple dans le Coran, Allah il le dit dans plusieurs versets, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Si tu demandes aux mushrikoun, aux idolâtres, qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah. Donc ils reconnaissent. C'est pas un problème pour eux de dire oui, c'est vrai, Allah c'est le seul créateur. Si de dire la ilaha illallah, ça voulait dire il y a juste un seul créateur, seulement, les mushrikoun ils l'auraient dit sans problème. Les gens qui ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils l'ont combattu, c'était pas pour ça. C'était par rapport à la vraie signification du témoignage de la ilaha illallah, pour lequel Allah a fait descendre les livres et envoyé les messagers, et la chose pour laquelle il a créé les djinns et les hommes, c'est-à-dire l'adoration d'Allah, l'adoration unique et exclusive d'Allah sans aucun partenaire. Et c'est ça réellement la vraie signification de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les gens de Kalam ont dévié sur ça, et c'est pour ça que vous allez trouver par exemple des individus contemporains qui parlent de l'islam, et quand ils parlent de l'islam, ils ne parlent que dans le sens d'essayer de prouver l'existence de Dieu à des athées, hein? Et c'est ça pour eux le tawhid. Donc j'ai écouté par exemple des conférences de certains parmi les Ikhwan, parmi les prêcheurs des Ikhwan, soit Tariq Ramadan ou Hani Ramadan ou d'autres parmi ces différents prêcheurs, et étant donné qu'ils ne connaissent pas la signification ni du tawhid ni du shirk, quand ils parlent du tawhid, ils ne cessent que d'essayer de prouver l'existence de Dieu et de prouver que ce Dieu-là est unique, qu'il n'a pas par exemple d'ego, ou qu'il n'a pas de rivaux, ou qu'il n'est pas divisible, ou des choses de ce genre. Mais tout ça, ça ne sort pas de tawhid al-rububiyya. D'accord? En ce qui concerne tawhid al-uluhiyya, ils n'en parlent même pas. Tawhid dans l'adoration, ils n'en parlent pas. La preuve, c'est que dans la plupart des pays d'origine de ces ikhwan, il y a du shirk avec l'adoration des tombes et des morts, et ils ne disent jamais un mot contre ça. Tu ne vas pas trouver là, dans leur da'wah, une critique de l'adoration des morts et des saints, hein, dans les pays musulmans. Même que le fondateur de ces différents groupes de Hizbiya supportait ça, il même défendait ça, hein, et même il le pratiquait. Alors, et ça c'est un des problèmes qu'on a avec, justement, avec ces gens-là, puisque c'est dans les fondements de l'islam. Donc, il dit le Cheikh, « Haqiqatu ma'na la ilaha illallah » La signification et la réalité de la signification de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, pour les gens de Ahl Sunnah, pour les salafis, et pour les gens qui opposent les salafiyins, hein? Donc il ne faut pas penser que ceux qui opposent les gens de la Sunnah, c'est des groupes qui existaient il y a 1000 ans puis qu'ils n'existent plus aujourd'hui. Il existe des groupes, par exemple, et parmi les Asha'ira, qui ont des universités dans plusieurs des pays musulmans aujourd'hui, et ils enseignent la Aqidah Ash'ariya, hein? Et leur Aqidah au sujet du Tawhid, c'est d'affirmer uniquement Tawhid al-Rububiyya, puis c'est fini. Donc si vous allez à l'Azhar, c'est ça qui est enseigné. Si vous allez dans la plupart des pays du nord de l'Afrique, dans les universités, lorsqu'ils parlent de Aqidah ou de qu'est-ce qu'ils appellent usuluddin, fondement de la religion, c'est les questions de philosophie et d'affirmer l'existence de Dieu. C'est ça pour eux le tawhid, hein? Et dans les pays en Inde ou au Pakistan ou dans les Dar al-Uloum et les différentes écoles comme ça, c'est la même chose, toujours tawhid al-rububiyya. C'est ça pour eux la signification du tawhid. Donc le cheikh il dit المقرون بكلمة التوحيد لا إله إلا الله افترقوا في معناها على 4 فرق. الفرقة الأولى قالت معناها لا معبود إلا الله، وبناء على ذلك فإنهم ألهوا كل معبود من دون الله، وقالوا لأن الله أخبر في كتابه بأنه قضى وقدر أن لا يعبد إلا هو، فقال تعالى وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فمن أمحل المحال أن يعبد إلا الله، فكل معبود عندهم هو الله. يعني حقا. فالعجل هو الله وفرعون هو الله حقا والبقر هو الله والكواكب هي آلهة حقا والأصنام آلهة حقا وهذا هو مذهب أهل الحلول والاتحاد. Le cheikh, il explique ici, il dit que yes, en ce qui concerne les gens qui affirment la parole du tawhid et qui disent la ilaha illallah, ils se sont divisés au sujet de sa signification en quatre groupes. Ils se sont divisés au sujet de sa signification en quatre groupes. Le premier groupe, c'est le groupe qui a dit que la signification de la ilaha illallah, c'est la ma'boud illallah. Ils disent la ma'boud illallah, que c'est ça la signification de la ilaha illallah. Et cette signification, eux, qu'est-ce que ça signifie? Comment ils l'interprètent? Quand ils disent la ma'boud illallah, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire littéralement que rien n'est adoré sauf Allah. Rien n'est adoré sauf Allah. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça pour eux? Ça veut dire que tout ce qui est adoré est Allah. Que ce soit vrai ou faux. Hein? Donc tout ce qui est adoré, que ce soit Allah ou autre que Allah, c'est Allah. Donc pour eux, ils ont dit par exemple que Allah a dit dans son livre qu'il a décrété que rien ne peut être adoré ou que rien ne doit être adoré excepté lui. Donc ils disent que c'est impossible que rien d'autre que Allah soit adoré. Donc tout ce qui est adoré par l'humanité, par les êtres humains, c'est Allah réellement. Donc pour eux, quand le veau d'or a été adoré par Bani Israël, c'était Allah réellement. Pharaon, ils disent c'est réellement Allah. La vache, c'est réellement Allah. Les étoiles, c'est réellement Allah. Les idoles, c'est réellement Allah. Tout ce qui existe est Allah pour eux. Et ça, c'est la voix des gens de Hulul wal Ittihad, parmi les croyances des soufis. Hein? Donc ils croient que Allah est dans toutes choses. Allah est en toutes choses. Et quand ils adorent une chose, en réalité, ils disent on adore Allah qui est à l'intérieur de ces choses-là. Hein, donc pour eux, c'est ça le tawhid, de croire que tout ce qui est adoré, c'est Allah. Et ça, en réalité, c'est le shirk. Hein, mais ils le déforment. Ils déforment la signification du témoignage. Al-firqatu thaniya qalat ma'naha. En passant, la première explication, vous la trouvez souvent mentionnée chez les gens de Tablir, Jama'atu Tablir, parce que c'est comme ça qu'ils interprètent la ilaha illallah. Ils disent qu'il n'y a rien qui est adoré excepté Allah. Et donc ils rentrent dans cette catégorie de gens qui ont cette croyance en al-hulul wa al-ittihad. Il dit al-firqatu thaniya qalat ma'naha la ma'buda illallah. فليس لله تعالى وجود سوى هذا العالم المرئي وهؤلاء هم أصحاب وحدة الوجود. Il faut juste, je pense, si elle veut, je peux tenir le micro comme ça, comme peut-être qu'elle va entendre mieux. Hein? Je crois que c'est correct comme ça. Non, donc le deuxième groupe, ils disent, hein, que la mawjouda illallah, c'est comme ça qu'ils interprètent la ilaha illallah. Ils disent que ça veut dire la mawjouda illallah, c'est-à-dire il n'y a rien qui existe excepté Allah. Donc si on le dit d'une autre façon, ça voudrait dire pour eux que tout ce qui existe est Allah. Hein? Et ça, c'est la croyance en qu'est-ce qu'ils appellent wahdatul wujud. Ils ne font pas de distinction entre le créateur et la créature. Pour eux, le créateur et la créature, c'est une seule et même chose. Hein? Et donc, ils prétendent donc que tout ce qui existe est Allah. Et donc, en disant ça, ils nient l'existence distincte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc la croyance, hein, semblable à ce que les gens appellent le panthéisme. De dire que tout ce qui existe est Dieu. Tout est Allah. Et Allah est tout. Et c'est une croyance qui est semblable à l'athéisme aussi. Parce que si tu affirmes que tout est Allah, c'est comme si tu disais que Allah n'existe pas. Puisqu'il n'a pas d'existence distincte de la création, de sa création. Et c'est pour ça que c'est du kofriani. Mais vous avez parmi les soufis certains qui affirment cette croyance-là, comme par exemple Ibn Arabi. Ibn Arabi. C'est un des égarés parmi les soufis. Et même ceux parmi les soufis qui prétendent être modérés, qui prétendent ne pas, disons, avoir ce genre de croyance, ils le vénèrent et ils le respectent. Et ils l'appellent Sheikh al-Akbar. Et même ils l'appellent parfois Khatim al-Awliya, le dernier des saints. Le dernier des saints. Allah musta'an. Et parfois même ils prétendent que les saints sont meilleurs que les prophètes, que les awliya sont meilleurs que les anbiya. Allah musta'an. Donc le cheikh dit: wa amma al-ittisal 'inda as-sufiyya fa ma'naahu anna Allah halun fi kulli shay' aw annahu ta'ala huwa 'ayn kulli shay' aw annahu huwa al-wujood as-sari fi kulli fi kulli mawjood. Wa qala al-'ulama: ومن يدين بهذا فهو زنديق كافر بلا ريب وهذا مذهب أصحاب وحدة الوجود وعليه كثير من المتصوفة. Donc le cheikh explique que c'est comme ça que les soufis expriment cette croyance en l'unicité de l'existence. Ils disent que Allah est l'existence elle-même et que toute existence, Allah existe dans toute existence, ou des choses de ce genre. Et les ulama ont décrété à propos de cette croyance que celui qui avait cette croyance était un hérétique mécréant, sans aucun doute. Et ça, c'est la croyance de ceux qu'on appelle en arabe les gens qui croient en Wahdatul Wujud. Et cette croyance, elle est répandue dans la plupart des turcs soufis qui existent actuellement. Toutes les différentes turcs soufis, que ce soit Naqshbandi, Shazili, Rifa'i, يعني قادرية نقشبندية تيجانية يعني أمني لتوت يعني إلزون en général toute cette croyance en wahdatul wujud. نسأل الله العافية. Et parmi les gens qui ont prôné cette croyance et qui l'ont propagée, il y a des penseurs parmi les gens de la secte des frères musulmans qu'on appelle يعني al-ikhwan al-muslimoun en arabe. Et parmi eux, un des théoriciens de ce groupe qui s'appelle Sayyid Qutb, et dans son tafsir Fidilal al-Qur'an, vous pouvez juste aller vérifier dans certaines sourates qu'il a interprétées, comme Qul huwa Allahu Ahad, sourate al-Ikhlas, il y a dedans l'expression yani à 100% de la croyance en Wahdatul Wujud, et il prône ça, il prône cette croyance là. Si quelqu'un a des doutes ou si quelqu'un essaie de défendre faussement Sayyid Qutb sur beaucoup d'égarements qu'il avait, et bien ça c'est un exemple, vous allez voir dans Sourate al-Ikhlas, dans Fidilal al-Qur'an, vous voyez qu'il n'y a pas d'autre manière d'interpréter ce qu'il dit que par la croyance des soufis égarés et extrémistes qui croient en Wahdatul Wujud, Nasallallahu al-Afiyya. Et ça c'est une croyance de mécréance, c'est une croyance fausse, complètement contraire à l'islam et qui fait tomber quelqu'un dans le kufr et le fait sortir de l'islam. Nasallallahu al-afiyah. Le cheikh il dit ensuite: wal firqatu thalitha qalat inna ma'na la ilaha illallah huwa al-qudra ala al-ikhtira' wa inna man i'taqada anna Allah huwa wahdahu al-qadir ala al-ikhtira' faqad haqqaqa ma'na la ilaha illallah wa hadha huwa madhhab ahli al-kalam. Et donc il y a un troisième groupe qui ont expliqué que pour eux, la signification de la ilaha illallah, c'est-à-dire que celui qui détient le pouvoir de créer. Donc, pour ces gens-là, si quelqu'un croit que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul qui a le pouvoir de créer, alors il a concrétisé la signification de la ilaha illallah. C'est-à-dire que c'est un musulman, c'est un croyant, s'il a cru en ça. Et ceux qui ont cette position, c'est les gens de Kalam. Ahlul Kalam, qui se retrouvent dans les sectes des Asha'ira, des Maturidiyya, des Mu'tazila et des Jahmiyya. Donc ces gens-là, pour eux, Tawhid, c'est Tawhid al-Rububiyya seulement, comme on l'a dit au début. Et il y a le quatrième groupe, c'est les gens d'Ahlus Sunnati wal Jama'a, As-Salafiyyun, ceux qui s'accrochent à la Sunna et à la compréhension des Salaf. Et voici comment il explique le Tawhid. Il dit: فَإِنَّهُمْ يُوَحِّدُونَ فإنهم هم الذين يوحدون الله تعالى حقا بأقوالهم وأفعالهم امتثالا لأمره تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الوارد في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وهم الذين يفسرون لا إله إلا الله بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وبقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه وبقوله توكل على الحي الذي لا يموت وبقوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص إلى غير ذلك من الآيات التي تمنع التوكل أو الاعتماد على غيره فأهل السنة والجماعة لا يدعون إلا الله ولا يستغيثون إلا بالله ولا ينظرون إلا لله ولا يحلفون إلا بالله وهم الذين يخشونه ويخشون ولا يخشون أحدا سواه. Donc le cheikh il explique que en ce qui concerne les gens d'Ahl-Sunna wal-Jama'a salafiyoun, ce sont ceux qui sont les réels monothéistes et qui unifient réellement Allah subhanahu wa ta'ala par leurs paroles et leurs actions. Et ils mettent en pratique l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète, qui est mentionné dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans Surat al-An'am, versets 162 et 163, lorsqu'il dit « Dis, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. Il n'a pas de partenaire et c'est cela qui m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre, le premier des musulmans. » Et ils interprètent également la ilaha illallah par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran lorsqu'il dit « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons l'aide. Et le verset également dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Fa'budhu wa tawakkal alayhi » Adore-le donc, lui seul, et mets ta confiance en lui. Également le verset dans lequel il dit « Et mets ta confiance » Il dit ce qui signifie « Et mets ta confiance en celui qui est le vivant, qui ne meurt pas. » Qui ne meurt pas. Et également dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit ce qui signifie « Et adore Allah en lui purifiant » la religion, c'est-à-dire en rendant ta religion exclusive pour lui. N'est-ce pas à Allah qu'appartient la religion pure, c'est-à-dire le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement et de n'adorer rien d'autre que lui? Certes, c'est à lui qu'appartient la religion pure. Et il dit, et il y a beaucoup d'autres versets dans le Coran qui nous empêchent de mettre notre confiance ou de reposer notre confiance sur autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ceux qui suivent la compréhension des salaf al-salih, ils n'invoquent que Allah et ils ne cherchent, ils n'appellent au secours que Allah dans les moments de détresse. Et c'est-à-dire, quand on dit qu'ils n'appellent que Allah dans les moments de détresse, c'est-à-dire que si par exemple quelqu'un appelle quelqu'un qui est présent et qui est capable de nous aider dans un moment de détresse et qu'on l'appelle à l'aide, ça c'est pas shirk. Mais le shirk c'est lorsque quelqu'un est dans une situation où seulement Allah subhanahu wa ta'ala peut le sauver ou peut l'aider et lui il appelle d'autres que Allah à ce moment-là, comme les mushrikines qui appellent leurs idoles ou les soufis qui appellent leurs sheikhs ou des choses de ce genre. Ça c'est du shirk dans ce cas-là. Et les gens d'Ahl Sunnati wal Jama'a dans ces situations-là, ils n'invoquent que Allah seul et ils ne font des vœux pieux que pour Allah subhanahu wa ta'ala, et quand ils jurent, ils ne jurent que par Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ne craignent que Allah seul, ils ne craignent personne d'autre que lui. Et donc ensuite le cheikh il va parler d'un sujet qui est souvent mentionné parmi les gens de Kalab, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la première obligation. Et pourquoi? Parce que les gens de Kalab souvent, ils se basent sur la philosophie et ils disent donc que la première obligation pour l'homme, c'est de douter, puis c'est d'essayer d'affirmer l'existence de Dieu par la logique ou des choses de ce genre. Et ça, c'est de l'égarement. Tandis que les gens d'Ahl Sunnati wal Jama'a, il dit le Cheikh, « وَيَنُصُّ أَهْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ مَا يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ شَهَدَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وإفراد الله بالعبادة وحجتهم في ذلك أمور ومن أهمها قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Donc la preuve que le cheikh dit, la première chose à laquelle on doit appeler les gens et la première obligation pour le serviteur, c'est de témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager d'Allah. Donc ce n'est pas le fait de douter. On ne va pas dire aux gens, il faut que tu doutes en tout, puis après chercher les preuves de l'existence de Dieu ou des choses de ce genre, par la raison. Tout ça c'est yani, contraire à la réalité de qu'est-ce que l'islam enseigne. Puisque le cheikh il dit que la première obligation c'est de témoigner, de dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. La preuve de ça c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen à des gens qui faisaient partie des gens du livre, et il a dit à Mu'adh que la première chose à laquelle tu invites les hommes soit de témoigner hein, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. إذ وقال ابن أبي العز الحنفي ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله ولا لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال أرباب الكلام المذموم بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان ومتفق على أن من فعل ذلك فقد قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب يعني بلوغه. Donc le Cheikh Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, c'est celui qui a fait l'explication de l'Aqid al-Tahawiyya, un des ulama parmi les élèves de Ibn al-Qayyim al-Jawziyya et de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya. Donc dans son explication de l'Aqid al-Tahawiyya, il explique que ça c'est la preuve que la première obligation pour la personne qui est mukallaf, c'est-à-dire qui devient mature et pubère et qui devient responsable de ses actes, c'est qu'il doit maintenant témoigner de la ilaha illallah. Donc l'obligation pour lui, ce n'est pas l'observation, ce n'est pas d'observer ou de regarder ou de douter. Non, ça c'est les paroles des gens de philosophie. Ça n'a rien à voir avec les enseignements de l'islam. Et les imams des salafs, ils sont tous d'accord sur le fait que la première obligation, c'est le témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Et ils sont tous d'accord que si quelqu'un avant la puberté avait dit la ilaha illallah, lorsqu'il atteint la puberté, il n'a pas besoin de renouveler sa croyance. Hein, ou dans le sens qu'il n'y a pas besoin de commencer à douter de la réalité ou des choses qu'il a apprises. Et pour soi-disant renouveler sa religion ou des choses de ce genre après sa puberté. Tout ça c'est des paroles des gens de philosophie. Ensuite le point dont le cheikh parle maintenant, c'est le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a créé et a envoyé les messagers. Donc il dit اختلف تحديد الغايه من خلق الخلق وارسال الرسل عند اهل السنه وعند مخالفيهم وذلك كما يلي. Donc le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers et pourquoi il a créé la création. Les gens de kalam ont divergé avec les gens d'ahl sunna sur ce point-là. Donc le cheikh il explique, il mentionne la position d'ahl sunna, puis après il mentionne la position des gens de kalam, puis il les réfute après. Donc il dit عند اهل السنه والجماعه يقول اهل السنه ان الغايه من خلق الله يعني الخلق هي عباده الله وحده كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فالايه صريحه في بيان ان توحيد العباده هو غايه خلق الخلق وكذلك هو الغاية العظمى من إرسال الرسل وإنزال الكتب وهو أول دعوة الرسل والغاية من خلق الجن والإنس كما يشهد بذلك الأدلة من الكتاب والسنة. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Donc le cheikh il dit que selon les gens d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a, le but pour lequel Allah a créé la création, c'est pour qu'il soit adoré lui seul. Et il y a plusieurs preuves de ça dans le Coran, comme le verset 56 dans Surat al-Dhariyat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Et le verset est explicite et clair sur l'explication de l'unicité dans l'adoration, le tawhid dans l'adoration. Et que c'est ça l'objectif de la création, de la création des créatures. Et de la création des hommes et des djinns. Il y a beaucoup de preuves comme ça dans la charia. Et il cite le verset 36 dans Surat al-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: nous avons suscité dans chaque umma, dans chaque nation, un messager disant aux hommes: adorez Allah seul et écartez-vous du tawhid. Hein, écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la preuve que yani Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes et a envoyé les messagers pour appeler au tawhid et à l'unicité d'Allah dans l'adoration. Il dit: ومن السنة من السنة حديث ابن عباس وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن إلى آخره. فهذان النصان الشرعيان دالان على أن أول دعوة الرسل والغاية من بعثتهم هي الدعوة إلى توحيد الله في العبادة. ويعني النصوص الشرعية في ذلك كثيرة. وكنا mentionné également le hadith de Mu'adh, on a mentionné tout à l'heure, rapporté selon Ibn Abbas, qui mentionne que la première chose à laquelle Mu'adh devait appeler les gens, c'était le témoignage de la ilaha illallah. Et donc ça c'est la preuve que le but et l'objectif pour lequel les hommes ont été créés, c'est yani l'unicité d'Allah dans l'adoration. Surat al-Nahl, verset 36. Pour les gens de Bid'ah, parmi les Mukhalifin, ceux qui font partie de les gens de Kalam, eux ils disent, ils disent: وَخَالَفَ أَهْلُ الْكَلَامِ الْمَذْمُومِ خَالَفُ أَهْلَ السُنَّةِ فَجَعَلُوا الْغَايَةَ الْعُظْمَى مِنْ إِرْسَالِ الرُّسُلِ وَإِنْزَالِ الْكُتُبِ مَعْرِفَةَ اللَّهِ وَإِثْبَاتُ الصَّانِعِ الْخَالِقِ سُبْحَانَهُ وَهِيَ إِثْبَاتُ الرُّبُوبِيَّةِ لِلَّهِ وَالْمُصِيبَة أن أهل الكلام أفنوا أعمارهم لتحقيق هذه القضية المسلم بها حتى عند المشركين وليتهم وقفوا عند هذا، بل زعموا أن توحيد الربوبية هو الغاية العظمى من بعثة الرسل، وأنهم إذا أثبتوه بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد. Donc le cheikh il dit, ceux qui ont opposé les gens de la sunna, ils disent, parmi les gens de la philosophie et les gens de kalam, que le but pour lequel Allah a envoyé les messagers et les livres, c'est pour connaître Allah et d'affirmer qu'il y a un seul créateur, un seul maître, un seul créateur. Et ça c'est la rububiyya, c'est la foi, hein, l'unicité dans la seigneurie. Et le malheur dans ça, c'est que ils font tout leur effort pour essayer d'affirmer l'existence d'un créateur et de dire que ce créateur est unique, alors que même les mouchriquins sont d'accord là-dessus. Hein? Est-ce que tu vas faire un débat avec un chrétien pour lui prouver que Dieu existe? Il croit déjà que Dieu existe. Son problème, ce n'est pas qu'il doute en l'existence de Dieu, son problème, c'est qu'il fait du shirk avec Allah. Donc de perdre ton temps avec le chrétien, essayer de lui prouver que Dieu existe, c'est pas ça le problème. La même chose si tu veux débattre avec un juif, tu vas pas débattre avec lui pour lui faire affirmer l'existence de Dieu. Hein? Et la même chose pour plusieurs d'entre les autres mouchriquins. Hein? Même en Haïti, par exemple, ceux qui croient au vaudouisme, si tu leur demandes, ou si tu leur dis: est-ce que Dieu existe, est-ce qu'il y a un créateur, ils vont te dire: oui, il y a un créateur. Mais ça les empêche pas d'adorer les djinns, d'adorer des esprits en dehors d'Allah. Hein, et de faire du shirk en les prenant comme des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. La même chose pour plusieurs d'entre les hindous ou d'autres qui prennent par exemple les différentes divinités qu'ils adorent comme des intermédiaires entre eux et celui qu'ils considèrent comme étant le Dieu tout puissant ou des choses de ce genre. Donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre que le plus gros problème que les messagers sont venus affronter, c'était pas le problème de ceux qui nient l'existence de Dieu, mais plutôt l'existence, ceux qui affirment l'existence de Dieu, mais qui, malgré le fait qu'ils affirment l'existence de Dieu, font de l'association avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens qu'ils font du shirk dans l'adoration. Et c'est pour ça que tu vois que, par exemple, dans le Coran ou dans les hadiths, il n'y a pas de grande explication, de débat entre les mouchriquins et les messagers sur l'affirmation de l'existence de Dieu. La plupart des mouchriquins l'affirmaient déjà. Et donc, pourtant, les gens de Kalam, pour eux, le vrai débat, la vraie bataille, le vrai combat, c'est d'arriver à établir avec leurs arguments rationnels l'existence de Dieu, et ils pensent que c'est ça le but pour lequel Allah a envoyé les messagers et révélé les livres. Et ça c'est contredit même par les livres et par la révélation même. Donc il dit وَالرَّدُّ عَلَى هَذَا يَعْنِي عَلَى مَا يَلِي. Comment répondre à ces choses, à cette prétention-là de la part des gens de Kalam? Il dit أَنَّ تَوْحِدَ رُبُوبِيَةً نَوْعٌ مِنَ التَّوْحِيدِ فَهُوَ بَعْضَهُ لَا جَمِيعَهُ بعضه لا جميعه وقد أقر به المشركون فكيف مع ذلك يكون هو الغاية العظمى من بعثة الرسل. Donc le premier point que le cheikh mentionne pour réfuter ces gens-là, c'est de leur dire que le tawhid dans la rububiyya, dans la seigneurie, c'est pas le tawhid au complet, c'est une partie du tawhid. Et donc il dit, même les mushrikoun ont affirmé cette catégorie de tawhid. Donc comment est-ce que cela pourrait être l'objectif ultime d'avoir envoyé des messagers, puisque c'était déjà quelque chose qu'ils ont affirmé, et ils ont déjà cru en cette catégorie de tawhid. Donc pourquoi ça, ce serait l'objectif le plus important du tawhid? Deuxièmement, أن مجرد الإقرار بهذا التوحيد فقط لا يجب الدخول في الإسلام ولا يصير به أو لا يصير به الرجل مسلما. فمشرك العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء ومع هذا سماهم مشركون حيث قال عنهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون والمراد بقوله تعالى وما يؤمن يعني هو تصديقهم واعترافهم بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت والمراد بقوله تعالى إلا وهم مشركون أي أنهم أشركوا مع الله في عبادته وهذا ما فسر به السلف هذه الآية. Donc ça c'est un point très intéressant que le cheikh explique ici. Il dit deuxièmement, le simple fait d'affirmer le tawhid dans la seigneurie et le fait que Allah est le seul créateur, ça ne fait pas rentrer quelqu'un dans l'islam et ça ne rend pas quelqu'un musulman. Si quelqu'un il dit je crois que Allah existe, il y a un seul maître, un seul créateur, c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir et qui donne la subsistance et qui a tout créé et qui contrôle tout dans l'univers, le simple fait de dire ça ne suffit pas pour que quelqu'un soit musulman. Un mushrik peut dire la même chose, et la preuve de ça, c'est qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne la parole des mushrikins, des arabes, quand ils disent par exemple وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَقُولُنَّ اللَّهِ. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Et un autre verset qui est très clair également dans ce sens-là, le verset 106 dans Sourate Yusuf. Le verset 106 dans Sourate Yusuf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant mushrikoun. » La plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant des mushrikoun. Ça veut dire qu'ils croient en Allah mais sont des mushrikoun. Et le cheikh il explique quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma yu'minu, c'est-à-dire et la plupart d'entre eux ne croient en Allah, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire qu'ils croient, wa ma yu'minu, ça veut dire le fait qu'ils reconnaissent son existence, qu'ils reconnaissent que c'est lui le seul qui crée, que c'est lui le seul qui donne la subsistance et qui fait vivre et qui fait mourir, ça ils le reconnaissent, wa ma yu'minu aktharuhum, wa ma yu'minu aktharuhum بالله إلا وهم مشركون. C'est-à-dire la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant mushrikoun. Ça veut dire qu'ils reconnaissent l'existence d'Allah et que c'est lui le seul créateur et le seul maître, mais malgré tout ils font le shirk avec Allah dans l'adoration. en prenant des intercesseurs et des intermédiaires entre eux et Allah pour se rapprocher d'Allah, ou bien en priant à d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments de malheur ou dans les moments de détresse. Et c'est ça que beaucoup n'ont pas compris parmi les gens de kalam, malheureusement. Il dit waqala Mahmoud al-Alusi al-Hanafi fi tafsir hadhihi al-ayah yandarij fihim كل من أقر بالله وخالقيته مثلا وكان مرتكبا شركا كيفما كان ومن أولئك عبدة القبور الناذرون لها المعتقدون للنفع والضر من يعني المعتقدون للنفع والضر ممن الله سبحانه وتعالى أعلم بحاله فيها وهم اليوم أكثر من الدود. Donc le cheikh il explique la parole d'un des savants de tafsir, Mahmoud al-Alusi al-Hanafi. Il dit dans son tafsir Ruh al-Ma'ani que ce verset, le verset 106 dans Surat Yusuf, il comprend toute personne qui affirme l'existence de Dieu et que c'est lui le créateur, par exemple, puis qui fait du shirk par la suite, peu importe la forme de shirk qu'il commet. Et il explique que ceux-là, c'est l'exemple également des adorateurs des tombes. Les gens dans les pays musulmans aujourd'hui qui adorent les tombes, ils disent la ilaha illallah, ils disent que Dieu existe, ils font la salat, ils font le jeûne, mais ils vont à la tombe pour adorer le saint, adorer le wali. Hein. Peut-être que parmi eux, il y en a qui pensent que la bénédiction de ce wali, c'est ça qui fait pousser les récoltes. C'est ça qui fait que hein, les fruits vont être bons, les grains vont être bons, hein, qui mettent à cause de la bénédiction et des choses de ce genre. Ils vont faire des pèlerinages à cette tombe. Ils vont sacrifier des animaux, faire des vœux pour les tombes. Et tout ça, hein, malgré tout, ils disent « La ilaha illallah ». Et ils pensent que la ilaha illallah, ça veut dire qu'il y a juste un créateur. Du moment que tu reconnais que Dieu, c'est le seul qui a tout créé, c'est pas grave, tu peux adorer qui tu veux en dehors d'Allah et faire du shirk. Hein, c'est pas grave, ça te fait pas sortir de l'islam. Donc ça, c'est l'ignorance. L'ignorance du tawhid. L'ignorance de la réalité de ce que signifie le tawhid. Non. Le cheikh, maintenant on passe au deuxième chapitre. Al-Bab al-Thani. Barahim al-Tawhid wa fada'ilihi wa thamaratihi wa bayan al-Shar'i lahu. L'épreuve du Tawhid, ses mérites, ses fruits, et comment la révélation l'a expliqué et l'a clarifié. Donc, premièrement, le cheikh il l'explique, il dit. براهين التوحيد إن توحيد الله سبحانه وتعالى مسألة وقضية أجل وأعظم من أن يستدل عليها كما قال الشاعر كيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل ولهذا قالت الرسل لأقوامهم لما أظهروا الشك في الله تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. Donc le cheikh il dit que le tawhid c'est une question qui est tellement grande, tellement importante que yani est tellement en même temps tellement claire, on n'a pas besoin de preuves pour l'affirmer. L'unicité d'Allah et son existence et sa création, c'est quelque chose qui est tellement grand et tellement clair. C'est comme le soleil en plein jour. On n'a pas besoin d'argent de preuve. C'est pour ça que vous n'allez pas voir des ulama de Ahlus Sunnah faire des grands débats avec des athées ou des gens qui ne croient pas en l'existence de Dieu, puis essayer de leur ramener plein de preuves et d'argumenter pour prouver l'existence de Dieu. L'existence de Dieu est tellement claire qu'on n'a même pas besoin de débattre. Ça fait même partie de la fitra de l'homme. Allah il a créé en l'être humain cette connaissance et cette foi du fait que Allah existe. C'est quelque chose qui fait partie même de la nature humaine. Que personne ne peut nier. Et si vous voyez par exemple des athées qui vous disent par exemple, oh, moi je ne crois pas que Dieu existe ou des choses de ce genre, c'est pas qu'est-ce qu'ils disent avec leur langue, c'est pas la réalité de ce qui est dans leur cœur. La réalité de ce qui est dans leur cœur, c'est qu'ils savent et qu'ils croient que Dieu existe au fond d'eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils expriment par leur langue? C'est l'arrogance et la fierté et le rejet de la réalité qu'ils reconnaissent au fond d'eux-mêmes, qu'ils refusent d'affirmer avec leur langue par arrogance et par, hein, par orgueil et fierté. Parce qu'ils refusent de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, et parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à Allah et prosterner leur front devant leur Créateur, ils préfèrent prétendre avec la langue que Allah subhanahu wa ta'ala n'existe pas, alors qu'ils savent très bien que Allah subhanahu wa ta'ala existe. Donc les athées sont des menteurs en réalité. Les athées, ceux qui disent qu'ils ne croient pas à l'existence de Dieu, ce sont que des menteurs. Et souvent, par exemple, quand il y a des grands dangers ou des grands moments de détresse ou des grands problèmes, la première chose qu'ils font, c'est appeler Dieu et crier le nom de Dieu, demander l'aide de Dieu. Hein? Alors ça veut dire quoi? Qu'au fond de même, ils savent que Dieu existe. Ils savent qu'ils n'ont pas de secours, pas d'endroit vers qui se tourner, excepté leur Créateur à ce moment-là. Et là, ils commencent à appeler Dieu. Hein? Donc ça, c'est un bon exemple à ce sujet-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le Coran. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Hein? À propos de Pharaon, qui niait l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il dit à son sujet, yani, ils l'ont renié, les signes, ils ont renié les signes d'Allah, alors que en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude et conviction. Hein? Donc, quelqu'un peut avoir la foi dans son cœur, c'est-à-dire croire avec son cœur en l'existence de Dieu, mais ça ne fait pas de lui un croyant, parce qu'il rejette, il refuse de le déclarer avec la langue, d'accord, à cause de son orgueil. Et le cheikh, il mentionne la parole d'un poète qui dit comme si que le soleil n'a pas besoin, le jour n'a pas besoin de preuves. Hein, le soleil n'a pas besoin de preuves. Si je te demande est-ce que c'est le jour dehors, tu vas me dire oui. Je te dis, donne-moi la preuve. Est-ce que tu as besoin de me donner une preuve de ça? Si je vois le soleil, puis si je vois qu'il fait clair, c'est suffisant pour savoir que c'est le jour. Hein? Donc c'est la même chose pour croire en Dieu. Hein? La croyance en Dieu, elle est aussi claire que ça. Le verset que le cheikh a cité, c'est le verset que je vais traduire maintenant. Il dit, c'est pour ça que lorsque les messagers sont venus à leur peuple et que certains d'entre eux avaient exprimer un certain doute en Allah subhanahu wa ta'ala, et les messagers d'Allah ont répondu en disant Afillahi shakkun fatir as-samawati wal ard. OK. Afillahi shakkun fatir as-samawati wal ard. C'est le verset 10 dans sourate Ibrahim. Y a-t-il un doute à propos d'Allah? Y a-t-il un doute à propos d'Allah? Et à chaque fois que j'entends ce verset, ça me rappelle toujours l'histoire que j'avais entendue une fois. Quelqu'un qui parlait d'un philosophe qui était à l'époque en train de marcher avec ses élèves. Et ils sont passés devant un bédouin. Vous savez, la nature des bédouins, c'est une nature d'être simple. C'est-à-dire, les bédouins, ils ne se cassent pas la tête. C'est des gens simples. Hein? Terre à terre, très concret, c'est-à-dire ils ne passent pas par 10 chemins. Pour eux, les choses, quand c'est clair, c'est clair. Eh bien, ils sont passés devant un bédouin. Et donc, ce philosophe, hein, peut-être un parmi les gens de Kalam, il marchait avec ses élèves en train de faire toutes sortes d'explications compliquées à propos de certaines choses, hein, philosophiques. Et quand ils sont passés à côté du bédouin, le bédouin a dit, c'est qui lui? Alors un des élèves a dit, lui c'est un grand philosophe, un grand penseur. Hein? Il a 1000 preuves de l'existence de Dieu. Qu'est-ce qu'il a répondu le bédouin? Il a dit, Afillahi shak. Est-ce qu'il y a un doute à propos d'Allah pour avoir besoin de 1000 preuves pour prouver son existence? Donc c'est pour dire, yani, c'est quelque chose d'élémentaire. Et c'est pour ça des fois quand je parle avec des athées, ou bien des gens qui ne croient pas en Dieu, et je leur dis, j'ai pas besoin de te prouver l'existence de Dieu. L'existence de Dieu, tu la connais déjà. Tu sais déjà c'est cette preuve. Tu regardes ta main, tu vois la preuve. Tu regardes tout ce qui est autour de toi. Tu vois un insecte, tu vois que cette chose-là ne peut pas exister par elle-même toute seule, par hasard. Hein? Tu regardes comment ton corps est créé, comment ton corps fonctionne, comment Allah a créé la vie. Tout ça, c'est des preuves de l'existence de Dieu. Tu regardes dans le ciel. Tu regardes les étoiles, comment hein, Allah les a créées. Tu dis, ça c'est la preuve de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas besoin de chercher plus loin que ça. Il dit, « Walakin, rahmatullahi, iqtadat, an yuqima li'ibadihi al-barahin, wa qawati ala dillah, وما يقطع به حجتهم ويضحر به شبههم فكانت براهين التوحيد كثيرة جدا ومن أهمها البرهان الأول شهادة الله لنفسه بالتوحيد كما قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط فقد شهد الله تعالى لنفسه وقضى وحكم وأخبر بأنه لا إله إلا هو وأنه لا رب خالقا ورازقا ومدبرا وقادرا غيره فلا يستحق للعبادة غيره ولا منفرد بالربوبية سواه فالله تعالى أعظم شاهد على أجل مشهود به في أجل قضية وهي قضية التوحيد فهذا أعظم البراهين على توحيد الله تعالى وهو برهان سمعي نقلي كما أن شهادة الله تعالى تكون بما جعل من الآيات الكونية والتي ستأتي أو سيأتي الكلام عنها. Donc le premier, la première preuve, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala par sa miséricorde, il a établi des preuves pour ses serviteurs et des arguments tranchants et des preuves clair, qui enlève et qui détruit toute ambiguïté au sujet de l'unicité d'Allah. Et les preuves sont nombreuses. Et parmi les preuves, la première qu'il a mentionnée, c'est le témoignage d'Allah pour lui-même, que Allah a témoigné de, à propos de lui-même, de l'unicité, de son unicité à lui. Comme il mentionne dans le verset 18, dans Sourate Al-Imran, que Allah a témoigné que rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Donc Allah témoigne pour lui-même de son unicité, ainsi que les anges et les savants, ceux qui détiennent la science établie en toute justice. Et donc Allah a témoigné pour lui-même et il a décrété et jugé et informé que rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Il n'y a pas de seigneur, de créateur, de pourvoyeur, de subsistance ou de contrôleur ou de tout puissant dans l'univers excepté lui. Personne donc ne mérite l'adoration excepté lui. Et il est le seul qui détient la seigneurie. Personne d'autre que lui ne la détient. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le plus grand témoin pour la question du tawhid. Et donc, c'est la plus grande des preuves de l'unicité d'Allah. Le témoignage, la preuve révélée dans sa révélation du témoignage d'Allah sur cette question et également par rapport à ce qu'il a établi comme preuve et comme signe dans la création de son unicité, comme on va le mentionner par la suite. Le deuxième, c'est Al-Burhan al-Thani, Shahadatul Malaika. Kama fil ayat al-Sabiqa, fal Malaikatu yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyya. Wa hadhihi shahadatu adlin min khalqin kiram ala hadhihi al-qadiyyati al-jalila. Wa hadha burhan al-Thani ala توحيد الله تعالى وهو برهان سمعي كالذي قبله. Donc le témoignage des anges de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aussi un des plus grands témoignages de l'unicité d'Allah et de son tawhid, et c'est le témoignage d'une créature noble et juste dont on doit accepter le témoignage. Et ce témoignage de cette créature qui est les anges, c'est le deuxième, donc la deuxième argument, la deuxième preuve au sujet de l'unicité d'Allah, et c'est une preuve révélée comme celle qui a précédé. La troisième, c'est le témoignage des messagers. Troisième preuve, c'est le témoignage des messagers. Shahadat al-Rusul. فجميع الرسل الكرام وهم أشرف الخلق وأطهرهم وأزكاها وأزكاهم نفسا فقد شهدوا جميعا لله تعالى بالوحدانية ودعوا أقوامهم إلى الإقرار بهذه القضية العظيمة ونذروا أنفسهم لها وأفنوا أعمارهم في سبيلها. وقال حكاية عنهم, قال تعالى حكاية عنهم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل جميعا شهدوا لله بالوحدانية وأخبروا بذلك وحكموا به وقاتلوا الناس عليه, فهم أشرف شاهد من الخلق على أجل مشهود به وهو قضية توحيد الله, وهذا برهان سمعي كالذي قبله. Donc le cheikh il parle du troisième témoignage, c'est le témoignage des messagers, c'est ça la preuve, la troisième preuve, c'est le témoignage des messagers. Et tous les nobles messagers, qui sont les plus nobles des créatures les plus pures, ils témoignent donc de l'unicité d'Allah. Et ils ont tous appelé leur peuple à confirmer et à déclarer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils se sont sacrifiés eux-mêmes pour cette tâche et ils ont passé leur vie à lutter dans ce chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 25, dans Surat al-Anbiya, les prophètes, il dit, nous n'avons envoyé avant toi de messagers, excepté que nous leur avons révélé que rien ne mérite d'être adoré, excepté moi, alors adorez-moi. Et le verset 36 dans Surat al-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons envoyé dans chaque nation un messager pour dire aux hommes, adorez Allah, écartez-vous du ta'ahud, écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc tous les messagers ont témoigné de l'unicité d'Allah. Et ils ont informé la création à propos de l'unicité d'Allah et ils ont jugé et combattu les hommes par rapport à ce témoignage. Et donc c'est les plus nobles témoins parmi les créatures pour la question la plus importante qui est l'unicité d'Allah, et c'est une preuve également révélée comme celle qui était mentionnée avant. La quatrième preuve, c'est shahadatu ahli al-ilm, le témoignage des hommes de science. Il dit وهذا كذلك برهان على توحيد الله فأهل العلم يشهدون ويقطعون لله بالوحدانية كما قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وشهادتهم بذلك قاطعة يقينية لأنهم أعلم الناس بالله بعد الرسل الكرام. Donc le cheikh il explique que la quatrième preuve, c'est le témoignage des hommes de science, et c'est en même temps un témoignage qui vient après le témoignage d'Allah et de ses anges. Et les seules créatures qui ont été mentionnées dans le verset 18 dans Surat Al-Imran parmi ceux qui ont témoigné de l'unicité d'Allah après le témoignage d'Allah lui-même et le témoignage de ses anges, c'est les hommes de science. Et ça, c'est en même temps un éloge des hommes de science, et ça montre en même temps leur importance et le statut qu'ils ont, puisque Allah les prend comme témoins de son unicité. Et donc leur témoignage de l'unicité d'Allah, c'est un témoignage qui est certain de la part des hommes les plus savants à propos d'Allah après les messagers. Et la cinquième preuve, c'est shahadatul uqala min al-umam, c'est-à-dire le témoignage des hommes intelligents qui réfléchissent et qui utilisent leur raison parmi les nations. Il dit fa inna al-uqala min kaffat al-umam atbaqu ala tawhid Allah azza wa jalla wujub ifradihi bil ibadati wa akhbaru bidhalika wa qadaw bihi wa la yumkinu أن يتواطأ جميع هؤلاء على الكذب والإخبار بخلاف الحق. Donc le cheikh il dit que la plupart des hommes sur la terre, parmi les gens qui ont la raison, ont affirmé que Allah est unique et que c'est lui seul qui mérite l'adoration, et ils ont informé à propos de cela et ils se sont tous mis d'accord là-dessus, et c'est pas possible qu'ils se mettent tous d'accord pour informer au sujet de quelque chose de mensonger, contraire à la vérité. Et un point à propos de ce point-là. Souvent, vous allez voir des conférences de la part de certains ikhwan ou certains parmi les hizbiyin, quand ils parlent justement de l'unicité d'Allah, ils vont parler en particulier, comme je disais, de tawhid al-rububiyya, puis ils vont citer les paroles de certains penseurs ou de certains philosophes, même parmi les kuffars, qui ont affirmé l'existence de Dieu. Hein, certains physiciens ou certains mathématiciens ou d'autres parmi les philosophes qui n'étaient pas musulmans, hein, qui étaient des mouchékines ou des kuffars ou des juifs ou des chrétiens, puis ils vont les citer. Hein, comme Einstein ou d'autres, ils vont dire, ah, lui il a dit telle chose à propos de l'existence de Dieu. Et ils oublient en fait que juste affirmer l'existence de Dieu sans appeler les hommes à l'adorer lui seul, et sans appeler les hommes à suivre l'exemple des messagers, et sans non plus appeler les hommes à suivre la révélation, que ça n'équivaut pas à de la foi en Allah. Et c'est pas quelque chose qui les fait rentrer dans l'islam, le fait d'affirmer que Dieu existe comme ça, de cette façon, sans l'adorer, sans croire aux messagers, sans croire aux livres, ça ne sert à rien en réalité. C'est la croyance de ce qu'on appelle, c'est comme un peu la croyance comme les Mu'tazila ou bien les Jahmiya, qui font juste affirmer l'existence d'un créateur, mais qu'après ça, il n'y a rien. Il n'y a pas de messager, il n'y a pas de révélation à suivre, ce Dieu n'a pas de nom, il n'a pas d'attribut. Hein? Et ainsi de suite. C'est comme les déistes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des déistes, les philosophes des Lumières en Europe, comme Diderot, Voltaire et tous ces autres, Kuffar en Europe. Ils reconnaissaient, ils croyaient en l'existence d'un Dieu, mais un Dieu sans nom et sans attribut. Et ils rejetaient, bien entendu, le christianisme. Hein? Mais sans pour autant, donc, c'est-à-dire, ils affirmaient l'existence d'un Dieu, mais c'est pas Allah tel qu'il s'est décrit dans sa révélation et tel qu'il s'est fait connaître par l'intermédiaire de ses messagers. Et ils ne reconnaissaient pas non plus l'appel à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et de se soumettre à sa révélation. Donc c'est pour ça que ces gens-là, même s'ils les utilisent comme exemple, c'est pas des témoins valables, puisqu'ils n'appellent pas à ce que les messagers ont appelé. Et la sixième preuve, c'est dilalatul fitra. Ça, c'est très important aussi. La preuve de la nature même de l'homme. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a inscrit dans l'âme de l'homme, du fait qu'il reconnaît en lui-même l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit inna kulla insanin yajidu fi nafsihi da'iyatun lit-tawhid aw da'iyatut tawhid wa atharu al-fitrati ad-da'iya ila at-ta'alluq billahi wahda wa hadha لم يتعرض لمؤامرة خارجية تصرفه عن ذلك وهذا ما لم يتعرض لمؤامرات خارجية تصرفه عن ذلك وهذه الفطرة هي الإسلام كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي أثر الميثاق الأزلي نعم وهي أثر الميثاق الأزلي الذي أخذه الله على الناس وهم في ظهر آدم أن يقروا به ربا معبودا قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا وهذا كله ما لم توجد مؤامرات خارجية صارفة. Donc le cheikh il dit que tout être humain il trouve en lui-même quelque chose qui l'appelle à croire en l'unicité d'Allah. Et l'effet de cette fitra que Allah a mis en lui, qui l'appelle à s'accrocher à Allah et à s'accrocher à lui seul, tant qu'il n'a pas été victime des complots extérieurs qui le détournent de sa fitra. Parce que des gens peuvent avoir une fitra qui est corrompue. C'est comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne, yani comme le cheikh il le cite lui-même, il dit kama qala sallallahu alayhi wa sallam kullu mawludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Il dit donc que yani chaque enfant est né sur la fitra, c'est-à-dire sur l'unicité d'Allah et le tawhid. Hein? Et c'est ses parents qui vont le faire dévier de cette fitra, qui vont le faire devenir juif ou chrétien ou majus ou autre ou athée. Hein? Ils le font sortir de cette fitra sur laquelle Allah l'a créé. Sinon, vous parlez à un enfant et vous lui expliquez que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur et c'est que c'est lui le maître de toutes choses et que c'est lui qu'on doit adorer, et il accepte ça facilement. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'il comprend dans le fond de son être. Hein? Ça fait partie de sa nature. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça dans les versets dans le Coran, et établit ton visage sur la religion du pur monothéisme, et qui consiste à s'écarter du shirk et à se tourner uniquement vers Allah. C'est yani, de cette façon que Allah a créé les hommes. Il a créé les hommes sur cette nature-là. Et sur cette foi en l'unicité d'Allah, sur Al-Hanifiyya. Et il y a également le verset 172 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le pacte qu'il y a eu entre les hommes et leur Seigneur, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a extrait du dos de Adam toute sa progéniture, et il les a fait témoigner contre eux-mêmes, en leur demandant « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et ils ont tous dit « Certes, tu es notre Seigneur, nous témoignons. » Ça, c'était avant la création. Ça, c'était avant la création. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait sortir du dos de Adam toute sa progéniture jusqu'à la fin des temps. Et il les a tous fait témoigner que yani, il est leur Seigneur, et ils ont tous témoigné. Donc, comme on disait, et sinon, yani, ses parents, par la suite, ils les font dévier à la naissance. Quand ils grandissent, ils le font dévier à la naissance. Si c'est des parents qui sont juifs, ils le font devenir juifs, ou chrétiens, ou bouddhistes, ou hindous, ou Krishna, ou athées. Ou si c'est des gens qui sont musulmans, mais par exemple, qui sont dans des groupes de bid'ah ou des égarements, ils le font rentrer dans le shirk en adorant les tombes, et les idoles, et les saints, et les morts, hein. Et yani, il faut qu'ils reviennent au tawhid par la suite, parce que ces parents-là les ont fait écarter. Ou bien s'il est né par exemple dans une famille de Shia, et donc il adore Ahl al-Bayt, et il va au tombe des descendants d'Ali, puis il les adore en dehors d'Allah, des choses de ce genre. Ça aussi c'est des exemples de choses qui détournent de la fitra. Après, le cheikh il dit la septième preuve, puis on va s'arrêter après. C'est yani dalail ala faq, l'épreuve de la création. Il dit wa hadhihi yani wa hiya dilalatul ayat al kawniyya al azima ala wujud al khaliq, khaliq wahid, mudabbir wahid, mustahiq lil ibadati duna siwahu. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. فهذا برهان حسي مشاهد وهو من أعظم البراهين على إثبات التوحيد. وقد سئل أعرابي كيف عرفت الله فقال البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير فالسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير. فكل ما حولنا من الآيات الكونية شاهد وناطق بالوحدانية ودليل على أن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت القادر ولا أحد غيره يملك من هذا شيئا. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il a des signes dans la création. Et ce sont des grands signes qui indiquent l'existence d'un seul créateur unique qui a tout créé, qui contrôle toutes choses et qui est le seul à mériter l'adoration. Et que rien en dehors de lui ne mérite d'être adoré. Et il mentionne des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Et nous leur montrerons nos signes dans l'univers, dans l'horizon, de même qu'en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il devienne clair pour eux que c'est la vérité. » Et donc tout ça sont des preuves palpables et concrètes qu'on peut voir avec nos yeux de yani, la grande création d'Allah, et c'est une preuve de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne l'exemple du bédouin. Quand on lui demande comment as-tu connu Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que yani, s'il voit les traces d'un chameau, ça veut dire qu'il y a un chameau qui était là, ou bien s'il voit des marques de pas, il dit il y a quelqu'un qui est passé par là. Il voit les traces dans le ciel des étoiles et dans la mer, les vagues et tout. Est-ce que ça indique pas l'existence d'un doux et bien informé, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala? Donc c'est pour dire que tout ce qui existe autour de nous, eh bien c'est des signes de l'unicité d'Allah et des signes de son existence, et que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. On va s'arrêter ici pour le premier cours du séminaire sur le Tawhid, et puis on continuera à expliquer d'autres éléments et des points sur la question du Tawhid au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, Inch'Allah. Subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous laisse avec notre frère Hassan qui va faire son premier cours tout de suite après moi, Inch'Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu peux, c'est pas grave, je vais l'arrêter. Non. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Juste pour annoncer que on va prier Salatul Asr ici. On va avoir de la nourriture qui va être apportée dans la salle pour les femmes. Puis les hommes, Inch'Allah, on peut aller à l'extérieur manger un endroit. Juste pour annoncer ça. Barakallahu.